sans défense. Mais je choisis la liberté et la vérité et tout ce qui compte à présent. Dis-moi, que feras-tu? Est-ce que tu m'écoutes? Prendras-tu soin?